la descente aux enfers et résurrection. Vision d'un homme riche de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tome 3, Tequil Libraire Éditeur 1922. Traduit de l'allemand par Dulay et Ebling. Depuis le matin qu'il tombait un peu de grêle, le ciel s'éclaircit et le soleil se montra jusqu'à midi. Mais d'épais nuages rougeâtres commencèrent à couvrir le ciel depuis la sixième heure, selon la manière de compter des Juifs, c'est-à-dire environ 12h30. Ce fut un prodigieux obscurcissement du soleil, tandis que la lune dans son plein apparut de l'Orient au-dessus du mont des Oliviers et se plaça devant le soleil. Une masse opaque couvrit bientôt le soleil tout entier et un cercle rouge comme le feu brilla tout autour. Les ténèbres se répandirent unité sur terre, et les étoiles apparurent de leur rougeâtre. Les hommes et les animaux furent épouvantés, les bestiaux poussaient des cris et s'enfuyaient. Même les pharisiens prirent peur et cessèrent d'injurier Jésus. Tous les spectateurs avaient les yeux fixés au ciel et plusieurs se mirent à se frapper la poitrine, criant « Que son sang retombe sur ses meurtriers !» De près comme de loin, beaucoup s'agenouillèrent pour solliciter le pardon de notre Seigneur. Il tourna ses yeux vers eux du milieu de ses douleurs. Il était environ 1h30. Les rues étaient enveloppées d'un épais brouillard, le trouble et la consternation régnaient partout maintenant, les hommes allaient à tâtons çà et là, plusieurs restaient étendus sur le sol, la tête couverte, se frappant la poitrine, d'autres sur le toit de leur maison regardaient le ciel en se lamentant. Les animaux hurlaient et se cachaient, les oiseaux tombaient en rasant le sol, ânes et chevaux appartenant aux pharisiens se massaient entre la tête basse. Le brouillard avait tout enveloppé et les ténèbres se répandaient. L'épouvante et l'angoisse paissaient dans le temple. On s'occupait à sacrifier les agneaux quand tout d'un coup les ténèbres se montrèrent. Tout le monde fut consterné et on entendit çà et là des lamentations et on alluma toutes les lampes. Grilles et volets des fenêtres des maisons secouèrent. Le sol trembla bien qu'il n'y avait pas d'orage. Les ténèbres mirent les spectateurs du Golgotha dans la terreur. Jésus se tourna vers son Père céleste et pria pour ses ennemis. Il y avait des anges autour de lui. Il récita les passages des psaumes qui recevaient leur accomplissement, comme durant toute sa passion. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte. « Élie, Élie, lama, sabachthani ?» Le peuple tremblait et se lamentait. Des gens considérables de la Judée et des environs de Jopé, 30 hommes, passèrent par là pour se rendre à la fête, quand ils virent Jésus attaché à la croix et les signes menaçants qui se manifestaient dans la nature. Ils furent indignés et s'écrièrent « Malheur à cette ville cruelle! Si le temple de Dieu n'y était pas, on devrait la brûler pour commettre un pareil crime. » À partir de 3h, les ténèbres commencèrent à se dissiper. La lune s'éloigna du soleil, qui reparut voilé de nuages rougeâtres, mais les rayons du soleil percèrent les nuages peu à peu bien que le ciel demeura encore sombre. Les étoiles disparurent RENT. L'heure arriva. Le Sauveur lutta contre la mort, une sueur froide inonda son corps et il cria fortement. Tout est accompli. Mon Père, entre vos mains je remets mon épris. Ce cri, doux mais sonore, pénétra le ciel, la terre et l'enfer, il inclina la tête et rendit son âme. Dès que le Sauveur dit ces derniers mots, la terre trembla et le rocher du calvaire se fendit entre sa croix et celle du mauvais larron, sa voix épouvanta la nature désolée. tout était consommé, l'âme du Sauveur quitta son corps, un glaive traversa de douleur le cœur de ceux qui l'aimaient. Au cri du Sauveur, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas, la terre trembla et les pierres se fendirent, les sépulcres s'entr'ouvrirent et les corps de nombreux saints se levèrent. Ils vinrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue de ces choses, la foule se repentit en se frappant la poitrine, quelques-uns déchirèrent leurs vêtements et jetèrent de la poussière sur leur tête, tous étaient saisis de frayeur. Après 3 heures, quand le Seigneur rendit l'âme, son âme pénétra dans la terre, comme une ombre lumineuse et descendit dans les enfers. Quand Jésus remit son esprit aux mains de son Père, son âme pénétra dans la terre, sous une forme lumineuse entourée d'une multitude d'anges avec Gabriel. Ces anges chassèrent une foule de mauvais esprits de terre dans l'abîme. Jésus ordonna à plusieurs âmes des enfers de retourner dans leur corps, afin d'effrayer les non-pénitents et rendre témoignage de lui. Au moment où le rocher du Golgotha se fendit, la terre trembla aussi à beaucoup d'autres endroits du monde, mais surtout à Jérusalem et dans la Palatine. Dans le temple et le reste de la ville, les Juifs commençaient à peine à se remettre de leur frayeur au retour de la lumière, lorsque le tremblement de terre et le fracas des bâtiments qui s'écroulaient répandirent l'épouvante générale. La terreur fut au comble, quand ceux qui s'enfuyaient rencontrèrent les morts ressuscités, qui les menaçaient d'une voix sépulcrale. Dans le temple, les chefs des sacrificateurs, qui avaient interrompu l'immolation de l'agneau à cause des ténèbres, triomphaient au retour de la lumière et reprirent le sacrifice, quand soudainement le sol trembla et un bruit sourd se fit entendre. Les murs s'écroulèrent avec fracas et le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Quand le voile se déchira du haut jusqu'en bas, les regards purent pénétrer jusque dans le saint. Les deux grandes colonnes placées à l'entrée du sanctuaire, au milieu desquelles était suspendu un magnifique voile, s'écartèrent l'une de l'autre et le linteau qu'elles supportaient s'affaissa. Une terreur saisit l'immense foule, qui éclata en lamentations. Les sacrificateurs réussirent à calmer leur peur et les sacrifices reprirent à plusieurs endroits, jusqu'à ce que les morts viennent apparaître dans le temple pour disperser tout le peuple et interrompre enfin l'immolation, comme si le temple fût souillé. Zacharie, le grand sacrificateur assassiné entre le temple et l'autel, apparut dans le sanctuaire et fit entendre des paroles menaçantes. Il parla de la mort de Zacharie, de Jean et du meurtre des prophètes. Deux fils du grand sacrificateur Simon le Juste apparurent dans la chair des docteurs et parlèrent de la mort des prophètes aussi, et du sacrifice qui allait cesser, exhortant tous les Juifs à embrasser l'enseignement du crucifié. Jérémie apparut près de l'autel et annonça que l'ancien sacrifice était aboli et remplacé par un nouvel holocauste. Ces apparitions furent tenues cachées, car elles n'eurent pas d'autres témoins que quelques sacrificateurs et Caïphe qui défendit d'en parler sous peine grave. Anna, le plus acharné de tous les ennemis du Seigneur, s'enfuit d'un coin à l'autre au fond des chambres les plus reculées du temple. Caïphe chercha à relever son courage mais en vain, les apparitions des morts le mirent au désespoir. Il lui ordonna de tenir secret tous les événements et les apparitions dont le peuple n'avait pas connaissance. C'est à ce moment que les portes du sanctuaire s'ouvrirent dans un grand fracas et une voix cria : « Sortons d'ici !» Les anges du Seigneur abandonnaient le temple. Au son de leur voix, les morts ressuscités qui se trouvaient dans le temple rentrèrent dans leur tombeau. Aussi une grande épouvante régnait dans plusieurs endroits de Jérusalem. Peu après 3 h, de nombreux tombeaux s'écroulèrent, surtout dans les jardins situés au nord-ouest, et on vit les morts ensevelis, des ossements et des lambeaux d'étoffe de plusieurs sépulcres. Les marches du tribunal de Caïphe s'écroulèrent là où Jésus avait été outragé, ainsi qu'une partie du foyer où Pierre avait renié son maître. Le grand sacrificateur Simon le Juste, l'aïeul de Siméon, celui qui prophétisa lors de la présentation de Jésus au temple, apparut au tribunal où plusieurs membres du Sanhédrin se trouvaient réunis, et fit entendre de terribles paroles sur le mauvais jugement rendu. Les gens qui, la veille, avaient introduit Pierre et Jean dans la cour, se convertirent et prirent refuge auprès des disciples. Près du palais de Pilate, la pierre se fendit à l'endroit même où Jésus avait été montré au peuple et le palais entier fut ébranlé, le sol s'affaissa aussi près de la cour du tribunal voisin où furent enterrés les innocents massacrés par Hérode. Des murs se fendirent dans plusieurs quartiers de la ville et d'autres s'écroulèrent, mais aucun édifice ne fut complètement renversé. Au comble de la frayeur et hors de lui, Pilate fut incapable de donner d'ordre et fuyait d'une chambre à l'autre. Lorsque le sol trembla sous ses pieds et que son palais s'ébranlait, les morts apparurent dans la cour de son palais et lui reprochèrent son mauvais jugement. Il s'enferma dans une partie secrète de sa demeure et offrit de l'encens à ses idoles. De son côté, Hérode, presque fou de terreur, fit fermer toutes les portes de son palais. Il y eut environ 100 de morts appartenant à toutes les époques qui apparurent à Jérusalem et ses environs. Les morts des tombeaux qui s'ouvrirent ne ressuscitèrent pas tous mais seulement les âmes envoyées par Jésus. Ils se levèrent à visage découvert et traversèrent les rues pour se rendre chez leurs descendants. Ils entrèrent dans leur maison et leur reprochèrent d'un ton menaçant d'avoir pris part à la mort de Jésus. Ils allaient deux à deux la plupart, le mouvement de leurs pieds ne se voyait pas, ils semblaient planer au-dessus du sol. Leur visage était blême ou jaune avec de longues barbes, un ton de voix étrange et inhabituel. Leur linceul variait suivant l'âge, le rang et l'époque à laquelle ils avaient vécu. Ils s'arrêtaient à l'endroit où avait été annoncé au son de trompette la condamnation de Jésus, et ils glorifiaient le Sauveur et maudissaient ses meurtriers. Toute la ville fut saisie d'épouvante et se cachait dans les maisons. Vers 4 h, les morts rentrèrent enfin, chacun dans son tombeau. Cependant, après la résurrection du Seigneur, plusieurs apparurent de nouveau. Parmi ces morts ressuscités à Jérusalem, il n'y avait pas de parents de Jésus. Le sacrifice s'interrompit dans la confusion générale et très peu de personnes mangèrent l'agneau le soir de Pessah. L'obscurcissement du soleil et le tremblement de terre qui eurent lieu à Jérusalem se produisirent aussi dans d'autres parties de la Palestine et même dans des contrées plus éloignées, ce qui répandit l'épouvante et la désolation. À Tirza, les tours de la prison où Jésus avait fait sortir plusieurs détenus s'écroulèrent. En Galilée, tant de fois parcourue par le Sauveur, plusieurs maisons tombèrent et ensevelirent sous les décombres les femmes et les enfants des pharisiens les plus acharnés contre le Seigneur, alors qu'eux-mêmes étaient à Jérusalem pour la fête. Il y eut beaucoup de désastres autour du lac de Génézareth. À Capharnaüm, plusieurs maisons furent renversées, le lac déborda dans la vallée et arriva jusqu'à la ville, qui était éloignée d'une demi-lieue. Les maisons de Pierre et de la Sainte Vierge, qui se trouvaient les premières, furent épargnées. En Galilée supérieure, beaucoup de pharisiens de retour du temple trouvèrent leurs maisons en ruine. Des villes entières étaient en ruine dans le Décapole. Une partie du temple de Garizim s'écroula, ainsi que la moitié de la synagogue de Nazareth où Jésus avait été chassé, ainsi que cette partie de la montagne où on avait voulu le précipiter. Le Jourdain fut détourné en de nombreux endroits suite à toutes ces secousses. Dans de nombreux endroits habités par de mauvais esprits, ceux-ci disparus et ruinés en grande bande au milieu des édifices et des montagnes qui s'écroulaient. Les secousses de la terre ressemblaient aux convulsions des possédés lorsque le démon était contraint de quitter. À Gergésa, une partie de la montagne où les pourceaux s'étaient précipités s'écroula en roulant dans le lac et une foule de mauvais esprits tombèrent dans l'abîme sous forme d'un nuage sombre. L'Asie eut beaucoup à souffrir. À Nicée où se trouvait un port avec de nombreux vaisseaux, et tout près une maison avec une tour haute où un païen chargé de la surveillance des navires, un grand bruit se fit entendre dessus du port. Il se hâta de monter voir ce qui se passait et vit de sombres figures planer au-dessus des vaisseaux. Il lui criait plaintivement. « Si tu veux garder tes navires, fais-les sortir d'ici. Le grand Pan est mort. Nous devons rentrer dans l'abîme. » Dès que les navires furent mis en sûreté, un terrible orage éclata et les démons se précipitèrent dans la mer en hurlant. La moitié de la ville s'écroula. La maison du païen, qui se nommait Amus, fut épargnée. Il fit bientôt un grand voyage et annonçait la mort du grand Pan, c'est ainsi qu'il appelait le Sauveur. Il se rendit plus tard à Rome où ses récits causèrent beaucoup d'étonnement. Un peu après Quatrache, le sang du Seigneur coula dans le creux du rocher au pied de la croix, après que l'officier Cassius perça de part en part le cœur de Jésus du côté droit, avec sa lance, puis il sauta au bas de son cheval pour se frapper la poitrine et confessa Jésus-Christ sur ses genoux. À l'endroit où le parvis et le sanctuaire se réunissaient, les murs s'étaient tellement écartés de part et d'autre qu'on pouvait passer dans l'ouverture. On voyait partout des murs s'érevasser, des colonnes renversées et le sol entr'ouvert. Le rideau qui voilait le sanctuaire était tombé. La Sainte Vierge pleura amèrement lorsqu'elle se souvint de la prophétie d'Anne et de Siméon qui fut accomplie. Le glaive avait transpercé son âme. Cette garde se tenait en face du sépulcre, les portes du sépulcre étaient fermées et la pierre posée devant. Je vis à travers les portes le corps du Seigneur entouré de splendeurs lumineuses et deux anges qui le révéraient. Jésus rendit son âme dans un grand cri. Son âme lumineuse pénétra dans la terre, au pied de la croix, et plusieurs anges l'accompagnaient avec Gabriel. Resplendissant de lumière, le Seigneur fut porté en triomphe par les anges. Sa divinité par le Saint-Esprit resta unie à son âme, autant qu'à son corps pendu sur la croix. L'endroit où Jésus était entré se divise en trois parties de formes rondes et séparées des unes des autres par des sphères les entourant. Il y a devant les enfers un espace plus clair et serein, où passent les âmes libérées du purgatoire avant d'être conduites au ciel. Ceux qui soupirent après le salut sont dans les enfers, encerclés d'une sphère opaque divisée en nombreux cercles. Le Seigneur passa entre deux de ces cercles. Dans celui de gauche étaient enfermés les patriarches avant Abraham. Dans celui de droite, les âmes des justes qui vécurent depuis Abraham jusqu'à Jean le Baptiste. Ils ne reconnurent pas le Sauveur, mais étant tous remplis d'espérance, leur désir devint plus ardent. L'étroitesse des lieux où ils étaient en attente parut se dilater et un souffle d'air, qui passa avec la rapidité d'un vent impétueux, vint les rafraîchir d'un rayon de lumière et d'une rosée rédemptrice. Le sauveur passa entre ces deux cercles dans un endroit recouvert de brouillard où se trouvaient Adam et Ève. Il leur adressa la parole et ils le révérèrent en un ravissement qui ne peut être exprimé. Lorsque l'âme du sauveur se trouva dans le tombeau d'Adam sous le Golgotha, les âmes de nos premiers parents vinrent le trouver et il parla avec eux. Il visita avec eux les tombeaux de plusieurs prophètes. Leurs âmes se joignent à lui près de leurs ossements. Partout les mauvais esprits s'enfuirent devant lui et se précipitèrent dans l'abîme. Nos premiers parents joignirent le cortège et Jésus entra dans les enfers des patriarches qui avaient vécu avant Abraham. C'est un purgatoire où de mauvais esprits se trouvaient pour tourmenter certaines de ces âmes. Il y avait une entrée, une porte, par laquelle on pouvait entrer sans pouvoir sortir à son gré, et il fallait frapper pour annoncer son arrivée. Les anges frappèrent et donnèrent l'ordre d'ouvrir. Ouvrez, ouvrez les portes, crièrent les anges. Jésus entra en triomphe. Devant lui, les mauvais anges reculèrent et crièrent Ruinité. Que veux-tu de nous? Que viens-tu faire ici? Veux-tu aussi nous crucifier? Les anges les enchaînèrent et les chassèrent devant eux. Les âmes qui habitaient cette partie des enfers n'avaient qu'une vague notion de Jésus, mais lorsqu'il se révéla, elles glorifièrent Ruinité Dieu. Le Seigneur se rendit ensuite dans le cercle de droite, où sont les enfers comme tels, et trouva l'âme du larron repenti. Les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. L'âme du larron repenti descendit au fond des enfers, poussée par les démons. Jésus leur adressa quelques paroles. Entouré des anges, des âmes délivrées, et des mauvais esprits enchaînés, Jésus pénétra dans le sein d'Abraham, dont le lieu est situé au-dessus de l'autre. Les démons ne voulaient pas entrer mais les anges les contraignirent. Tous les saints israélites se trouvaient dans ce lieu. À gauche les patriarches, Moïse, les juges, et les rois. À droite les prophètes, les ancêtres de Jésus et le parent allaient jusqu'à Joachim, Anne, Joseph, Zacharie, Élisabeth et Jean. Il n'y avait pas de mauvais esprit dans cette partie, ni aucune peine qu'un ardent désir de voir l'accomplissement de la promesse. Ce désir était à présent satisfait. Accueillant leur sauveur et offrant leur révérence, toutes ces âmes éprouvèrent un bonheur inexprimable. Beaucoup reçurent l'ordre de reprendre leur corps et de revenir sur terre rendre témoignage au Sauveur. C'est à ce moment qu'on vit à Jérusalem tant de morts sortir de leur tombeau. Et après avoir rendu témoignage au Seigneur, ces âmes se séparèrent de leur corps. Puis le triomphant cortège entra dans une sphère plus profonde, dans un purgatoire où se trouvaient de pieux païens qui avaient désiré connaître la vérité, sans abandonner leurs idoles, en qui de mauvais esprits s'étaient mélangés. Les démons furent contraints ici d'avouer leur fraude et furent enchaînés et chassés. Ces âmes vénérèrent le Seigneur dans la joie. Le Sauveur traversa plusieurs autres parties des enfers et délivra les âmes qui s'y trouvaient. Il se montra un juge sévère quand il approcha le fond de l'abîme. L'enfer a la forme d'une voûte immense taillée dans un roc d'aspect épouvantable. Partout les ténèbres régnent, à part une lueur très faible de reflets métalliques. À l'entrée sont d'énormes portes noires dont la seule vue fait frémir. Lorsque les portes y furent enfoncées, un horrible hurlement se fit entendre quand l'horrible monde des ténèbres apparut. L'enfer ressemblait à un regroupement d'hommes et de maisons au milieu des champs où la discorde, la haine et le désespoir règnent, et tout est désordonné. En enfer sont d'affreuses cavernes où règnent les ténèbres, le désespoir et la malédiction. Il y a des déserts et des marais remplis de choses qui suscitent le dégoût et l'horreur. Ici l'ennus discorde des réprouvés, là toutes sortes de perversités et mensonges, punissables d'infinis tourments. Tout est désolation, et seule la pensée que chacun doit récolter ce qu'il a semé par ses péchés suivant la justice de Dieu. La nature démoniaque du péché est à nu et le serpent dévore ceux qui le nourrissaient dans leur sein. Le séjour des bienheureux a la forme de la Jérusalem céleste, cité composée de magnifiques châteaux au milieu de jardins couverts de fleurs et de fruits merveilleux, dont la beauté varie suivant les degrés de béatitude de ceux qui les habitent. Dans le séjour des bienheureux, tout est ordonné suivant les lois de béatitude parfaite, d'harmonie éternelle et de paix infinie. Dans le ciel, ce sont des édifices transparents d'admirable beauté et habitations de bonheur et d'adoration au jardin couvert de fruits merveilleux, nourriture des élus. L'union bienheureuse des saints est là. Quand les anges ouvrirent les énormes portes, un chaos de plaintes blasphématoires et des hurlements d'injures se firent entendre. Les anges terrassèrent les armées de démons et la plupart furent enchaînés et tous contraints de reconnaître Jésus et de le révérer, ce qui fut pour eux un supplice cruel. Au milieu de l'enfer, où se trouve un abîme de ténèbres, Lucifer y fut précipité, chargé de chaînes, et des vapeurs noires s'étendirent autour de lui. J'appris que Lucifer devait être déchaîné pour un temps, 50 ou 60 ans avant l'an 2000, et quelques démons seraient de temps en temps désenchaînés pour punir le monde et tenter. Quelques-uns l'ont été de nos jours et d'autres le seront bientôt après. Des troupes innombrables d'âmes rachetées sortirent du purgatoire des enfers pour accompagner Jésus dans le paradis. L'âme du larron repenti vit le Seigneur selon sa parole. Puis avec cette troupe d'élus, avec David et plusieurs prophètes, il se rendit à plusieurs endroits marqués de ses miracles et ses souffrances, il leur expliqua les événements qui s'étaient déroulés durant leur vie et leur appliqua les mérites de leurs accomplissements. Inondé de lumière, environné de ses bienheureux, le Seigneur traversa la terre, les rochers, les airs et les eaux, il se montra à différents endroits jusque dans la mer, et délivra toute la création et la sanctifia. La miséricorde céleste s'exerça sur toutes les âmes. Et chaque année, pour célébrer cet événement, il jette un regard libérateur dans le purgatoire. Aujourd'hui même durant cette vision, il a délivré quelques âmes qu'il avait outragées lors de son crucifiement, et beaucoup d'âmes que je connais en partie. Vers 11 heures du soir, la mère de Jésus se leva enveloppée de son manteau, quitta le cénacle et alla jusqu'à la maison de Caïphe, au palais de Pilate, et le long des rues plongée dans le silence aux endroits douloureux du chemin où Jésus subit les supplices et l'humiliation. Jésus lui apparut lorsqu'elle arriva sur le Golgotha, accompagnée de 2 anges à ses côtés et 1 ange en avant, suivie d'un grand nombre d'âmes délivrées. Une voix lui dit ce qu'il fit dans les enfers, qu'elle devait attendre au Golgotha, qu'il soit ressuscité dans son corps, car il viendrait vers elle. Puis Jésus se dirigea du côté de la ville. Comme indiqué, sa mère s'agenouilla auprès de la pierre où il était tombé. Vers 12 heures environ, le cortège du Seigneur suivit le chemin de la croix et les supplices furent montrés aux âmes dans les moindres faits. Les anges recueillaient les parties arrachées de son corps pendant le supplice. Les anges rendirent à Jésus les moindres parcelles qu'il avait perdues, et son corps, maintenant entier dans le sépulcre, resplendissait à travers le linceul. Il avait un ange à sa tête, l'autre à ses pieds. En gloire resplendissante, l'âme du Seigneur Jésus pénétra à travers le rocher du sépulcre, descendit dans son corps, et ses membres se mirent à bouger. Son corps entier s'unit à son âme et à sa divinité. Quand il se dégagea du linceul, la grotte se remplit de lumière céleste. Au même instant, sortit de l'abîme vers le tombeau, une forme monstrueuse ayant une tête de dragon et une tête humaine, avec une queue de serpent, se dressa contre Jésus. Il plaça son pied sur la tête du monstre, et avec un petit bâton blanc qu'il tenait en main, sur lequel flottait un étendard, il frappa trois fois sa queue. Le monstre rétrécit à mesure qu'il frappait et la tête de dragon disparut. Ce même monstre s'était tenu au aguet à la conception de Jésus, il ressemblait aussi à celui qui se tenait à la porte du paradis. Quand Jésus passa à travers le rocher, la terre se mit à trembler et un ange à l'aspect guerrier se précipita dans le sépulcre, comme l'éclair du ciel et renversa la pierre, et il s'assit dessus. À sa vue, les gardes furent frappés d'effroi et tombèrent comme privés de vie. Cassius, un des gardes, vit de la lumière dans le sépulcre et entra. Il toucha les linges pliés, posés au sol, et les bandelettes roulées où herbes aromatiques étaient contenues. Il partit annoncer à Pilate que le sépulcre vide, qu'il avait senti le tremblement de terre et vu l'ange traverser la pierre, mais qu'il ne vit pas le Seigneur. Lui et les autres gardes rapportèrent aussi aux apôtres les détails de sa résurrection. Dès l'arrivée de l'ange dans le sépulcre, le Seigneur ressuscité apparut à sa mère, au mont Golgotha, resplendissant de majesté et de beauté merveilleuse. Quand il marcha, son manteau flotta au vent avec des reflets bleuâtres, comme font les rayons du soleil dans le brouillard. Ses plaies éblouissaient d'un brillant éclatant et des rayons allaient du milieu des mains au bout des doigts. Les âmes lumineuses des patriarches s'inclinèrent devant sa mère, quand Jésus lui montra ses plaies. Elle se prosterna jusqu'à terre, et quand il lui prit la main et la releva, il avait disparu.